Are you ready? Rapidance 35. Salut les amis, c'est Ismaël et oui, cette semaine c'est le retour de votre émission Happy Dance 35, l'émission qui vous fait découvrir, comme vous le savez, chaque semaine eh bien, le meilleur de la musique EDM à travers 2 heures de son non-stop. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, on s'intéresse à tous les titres qui ont quitté le top 35 cette semaine, à savoir Salvation, le single signé de Oz Gospel Shore et Adelphi qui perd 16 positions. Nous avons aussi There For You de Gorgon City et MK qui perd lui aussi 16 places dans ce top 35. Aiger, un titre qui avait fait son entrée la semaine dernière, sort lui aussi cette semaine en atterrissant directement à la 41e place. Et pour finir, voici le 4e titre à nous quitter cette semaine, c'est No Letting Go de Dirty Work avec DJ Bam Bam et Steve Smooth qui perd 4 places et sort donc de ce classement. Allez, maintenant, sans plus tarder, je vous lance le classement de cette semaine avec un single qui a perdu 3 places, c'est Purple Hat de Sophie Tucker. Et à l'instant, dans Happiness 35, c'était donc Purple Hat de Sophie Tucker, classé numéro 35 cette semaine. On continue tout de suite avec Vaces et Trouble, suivi de la nouveauté qui s'appelle Free de Louis The Child with Drew Love. Hit numéro 34. I thought I saw an angel. My fall from grace was painful. When I saw the monsters you keep inside. Trouble, boy, you better. entrée dans le top 35. Hit numéro 33. She said she blamed me for running in and taking her heart away. I said I blame her for making me believe her lies. Don't understand how you could wake up one day and just walk away. You didn't even try to call to apologize. And we're building up these walls just to watch them fall. L'instant, Louis The Child with Drew Love sur Free, numéro 33 cette semaine dans Happy Dance 35. On continue cette fois-ci avec deux singles du même artiste. Il s'agit de FKA Twigs qui fait son entrée avec plein de singles cette semaine dans ce top 35. À la 32e place, tout de suite, on écoute Marie Magdalene du même nom de son dernier album. Et ça sera suivi de Thousand Ace, numéro 31, toujours de FKA Twigs. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 32. I'm here to open you, yes. I know that your heart is blue. So cold. I fever for the fire, true as Mary Magdalene, creature of desire. Come just a little bit closer to me. Step just a little bit closer to me. I can lift you higher. I do it like Mary Magdalene. Thank you. 35. Hit numéro 31. Numéro 30. I've been known for one thing. I come and then I go. I got used to wandering, living on the road. All the times I'd love to leave, but you got. Ismaël avec vous dans cette émission Happy Dance 35 qui chaque semaine, vous le savez, vous fait découvrir eh bien 35 tubes et pas n'importe lesquels, ce sont les meilleurs dans leur catégorie, c'est-à-dire la musique EDM, l'Electronic Dance Music. En tout cas, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent de nous rejoindre à l'instant. On vient de s'écouter Roots de Valérie Broussard et Galantis. C'était donc le numéro 30. On va tout de suite continuer avec bien plus de musique. On aura d'ici quelques minutes Need Your Love de Griffin, 7AM et Noah Kahan qui a perdu 6 positions et qui arrive 26e. On aura aussi The Power de Duc Dumont et Zach Abel, Body Back de Griffin en featuring avec Maya Wright. Mais tout de suite, on écoute un single que vous connaissez sûrement si vous écoutez souvent cette émission. C'est Flume en featuring avec Vera Blue avec Rushing Back, classé numéro 29 cette semaine. Hit numéro 29. I always let the day slip away. I should have been making up my mind. I never opened up, took it all in, and now I'm running out of time. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back.

Need Your Love. C'est le single que vous venez d'écouter dans cette émission qui s'appelle Happy Dance 35. Single signé de Griffin en coopération avec Seven Lions et Noah Kahan. Bienvenue, c'était le hit numéro 26 et franchement c'est une tuerie. Mais attention, on ne fait qu'augmenter la tension et la pression de la musique tout au long de cette émission qui dure 2 heures. Ça fait maintenant plus de 37 minutes que vous êtes avec moi. C'est toujours Ismaël et on continue avec Riton et Oliver Heldens en featuring avec Vula, c'est Turn Me On numéro 25 cette semaine. Hit numéro 25. Living life all wrong, cause I thought I knew what love was, but my heart it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks and power, but all that goes and always gold. Running out of that feeling, doctor, prescribe me that drug. 'Cause I need some more of your healing, baby. Turn me on, healing. Baby, turn me on, healing. Baby, turn me on, healing. You know just what I need. To me, will you hold me when We never leave, but it feels like we've seen the whole world. A thousand cheers for the tears on your parents' roof. Forget my fears every time that I'm under you. All along, all I needed was you. So I swear I'm not scared when it's over. If I died in your arms, it's right where I'm supposed to be. Numéro 23. Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame, baila conmigo. Vamos a tocar el cielo con las manos. Vamos a olvidar esta noche todo. C'est un chiffre que vous devez retenir puisqu'à l'instant on écoutait la 12e chanson de ce top 35 classé numéro 23 cette semaine. C'est une reprise de Jennifer Lopez sur cette chanson qui s'appelle Baila Conmigo, toujours à la même place depuis 2 semaines. Allez, on continue toujours avec bien plus de sons. C'est une nouveauté qui fait son entrée dans le top 35. C'est FKA Twigs en featuring avec Future, et oui, toujours présent. Cette fois-ci, c'est Holy Terran que l'on écoute, suivi de Pump It Up de Endor et de God Is The Dancer, single signé de Tiesto et Mabel qui perd une place cette semaine. Nouvelle entrée dans le top 35, hit numéro 22. Yeah, hold up, let me do my dance, and this bitch gon' be case closed. Made a 100 bands off a brick, made a 100 bands off a brick. Per day, yo, send my girl to church with some drug money. Told her pay my tithes, thank you, damn. Do you want take me to my favorite show? Day two, hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek, cause sunny days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Whisper river for me, once I'm yours to obtain. Once my fruits are Don't you know, pump it up, you got to pump it up.

Sad Day, c'était à l'instant une nouveauté dans votre émission Impidance 35 qui a fait donc son entrée dans ce top à la 16e place directement. C'était donc FKA Twigs. Allez, on continue avec cette fois-ci un single qui a perdu 7 places cette semaine. C'est de Sam Smith et il nous parle d'amour dans cette chanson qui s'appelle I Feel Love. Ça sera suivi juste après du numéro 14 Galanty sur Faith et le numéro 13 Used to Love de Martin Garrix et Dean Lewis. Alors restez bien connecté sur votre radio puisque Happy Dance 35 ça continue toujours avec plus de musique EDM. Hit numéro 15. Oh.

And into the dawn I do my best to try and find some sleep, but you still keep me up. We used to hold hands, now I dance alone. We had Springsteen playing so loud. We danced in the dark till it felt like home. With you home was anywhere. But you will never be left behind. Give me a moment, I need just a little more time. If I could, I would have made things right. But we can't go back to the way that we used to love. Never a pie still running through my blood. But we can't go back to the way that we used to love. We can't go back to the way that we used to. But I can't escape, still in my head. I'm running from the emptiness. But I can't escape, still in my head. I'm running from the emptiness. But I can't escape, still in my head. Oh, I'm running from the emptiness. But I can't escape, still in my head. Oh, I'm running from the emptiness. When I lose control, control. When I lose control. 11. Los Control, une chanson de Medusa, Becky Hill et les Good Boys. À l'instant, classé numéro 12 cette semaine, c'est un single qui a gagné 2 places et qui, j'espère, continuera son ascension. Allez, à suivre les amis, c'est une chanson que vous connaissez très bien, c'est Baila Conmigo de Davy et Victor Cardenas en featuring avec Kelly Reese, toujours numéro 11. L'arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasa su mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. Qué calor. Ven, toma mi mano y baila conmigo. Through the city, don't let the memory fade. You said, hey, what you doing for? 24 semaines dans le top 100 des meilleures chansons EDM, et au total, des semaines et des semaines où cette chanson est au-dessus du classement des numéros 10, et bah ça tombe bien, puisqu'à l'instant, effectivement, c'était Call You Mine, une chanson donc des Chainsmokers avec Bébé Rexha, qui regagne 2 places cette semaine dans le top 35, et finit donc 10ème. Allez, puisqu'on vient d'entrer dans le top 10, les amis, qu'on approche de la fin de l'émission, on va continuer toujours avec du meilleur. Tout à l'heure, encore des Chainsmokers, toujours présents, avec cette chanson Take Away, chanson sur laquelle Illenium coopère ainsi que Lennon Stella. On aura Kekalor, toujours présent avec Major Lazer, J Balvin et El Alpha. Et puis Post Malone, donc une chanson de Sam Felt et Rani. Ça arrive juste après cette chanson des Grease et Subtronix. Ça s'appelle Greasetronix et vous allez voir, ça a pris 4 places et on se demande bien pourquoi. What's up? I just got one. Numéro 9. Okay. And this is it, just right here. We can't get enough. We can't get enough. DJ, run that track there. Batman, son. Be hitting different. Oh, it's lit. After party, we still going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wild like on safari. We still going strong. And all of these good things. All we need good things. Till now we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home.

sometimes good things fall apart. Overthinking's got me drinking, messing with my heart, I guess that sometimes good things fall apart. Vingt-sept, les amis, c'est le nombre de semaines que cette chanson a passé dans le top 3. En fait, c'est même plutôt 26, puisque cette semaine, eh bien, Good Things Fall Apart est descendu de son trône de bronze, puisqu'il était la chanson numéro 3 depuis 26 semaines. Effectivement, Illinium et John Bellion viennent de perdre 2 places, mais reste certifié disque d'or pour, en tout cas, ce single. Allez, on continue avec le numéro 4 de cette semaine, et ce depuis déjà même quelques semaines. Ça n'a pas changé, c'est toujours DJ Regard, présent avec Ride It, et puis dans le top 3, on va retrouver tout à l'heure en 3ème position et donc sur son trône de bronze, tout fraîchement arrivé, Rhythmo des Bad Boys for Life, c'est des Black Eyed Peas et J Balvin. Beat numéro 4. Des hits, c'est maintenant. Hit numéro 3. Dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the